La grande frayeur ne les affligera pas, les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis, le jour où nous plierons le ciel, comme on plie un rouleau sur lequel on écrit. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous concerne. Oui, nous l'accomplirons. Sourate 21, les prophètes, versets 103-104. Yeah man, well original Mr. Fancy, you know? Oh yes, hey I, what's up? Bablon!